Vous, songe bleu, bleu des yeux que j'attends. Un rêve, c'est le gage d'un grand bonheur. Un rêve, c'est l'image d'un cœur. Mon rêve, pour connaître des soirs si doux. Mon rêve, ne peut être que vous. Votre regard qui donne à mes nuits tout l'éclat des jours. Et c'est votre voix qui fait du silence un poème. Poème dont le thème redit. Je t'aime. Mon rêve n'est qu'un rêve d'amour. Poème dont le thème redit toujours. Je t'aime.